Fiesta, fiesta, fiesta, merde j'ai foutu mon verre. Fiesta, fiesta, fiesta, foutu mon verre par terre. Pas de chance, pas de chance, je voulais t'emballer. C'est moi qui suis rétamé, comme une bouteille qu'on balance. Je suis pas loin de toi, mais j'arrive plus à me lever. Les autres dansent autour de toi, moi je rentre vers toi pour t'aimer. Fiesta, fiesta, fiesta, merde j'ai foutu mon verre. Fiesta, fiesta, fiesta, foutu mon verre par terre. Tes talons frôlent mes paupières. J'ai perdu le contrôle de moi. Dis-moi ce que tu veux faire. J'obéirai à tes lois. Je te veux toi, ivragin, pauvre roi. Je ne veux que ton corps. Un pauvre roi, je ne veux que ton corps. Fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Je suis pas loin de toi, mais j'arrive plus à me lever. Les autres dansent autour de toi, moi je rentre.